Sur les bancs d'école du son, j'ai fini me noter. Ma voix peut sans rime et pas ma façon de chanter. Personne n'y croyait quand dès le début j'ai commencé. À cette heure-ci, je suis décidé, sans faiblir, je vais m'imposer. Public, tu sais, parfois je pense à toi et je m'en veux. Y'a des jours, je suis tellement mal, une envie de quitter le jeu. Quand j'ai vos messages, tout d'un coup, j'oublie les envies. Je pensais pas qu'un jour j'aurais pu éclairer vos yeux. Ma réussite a coulé en même temps que toutes mes larmes. Mon cœur vous réclame et dépose des armes. Si je vous laisse tomber, c'est comme si j'y perdais mon âme. Mais ouais, je redémarre, appelez-moi plus tard. Pour vous, je serai toujours là, même sur Instagram. Sur sa pensée s'attrape et dans ma tête vous êtes sauvé. Pour vous, je serai toujours là, même sur Instagram. Sur sa pensée s'attrape et dans ma tête vous êtes sauvé. Et si un jour je suis pas là, pas là, pas là, pas là, je voudrais que tu te rappelles tous ces moments qu'on a passés. Toutes ces années sans m'arrêter, tout ça pour vous faire voyager. Ça m'a pris du temps mais j'ai fini par accepter que sans travailler mes objectifs je pourrais pas les réaliser. Ma réussite a coulé en même temps que toutes mes larmes. Mon cœur vous réclame et dépose des armes. Si je vous laisse tomber c'est comme si j'y perdais mon âme. Bah ouais je redémarre, appelez-moi plus tard. Pour vous je serai toujours là, même sur Instagram. Sur sa pensée attrape et dans ma tête vous êtes sauvé. Pas là, pas là, pas là, ouais. Je voudrais que tu te rappelles tous ces moments qu'on a passés. Et si un jour je suis pas là.